Pédale Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir et bienvenue sur l'émission Pédale Scandale sur Radio Dio 89.5 ou radiodio.org. En janvier, on avait commencé un cycle d'émissions sur la mémoire et la transmission, avec une émission où on se demandait justement comment faire cette transmission. On poursuit aujourd'hui avec une interview de Mathias Quéré qui va nous parler de son livre « Quand nos désirs font des ordres » sorti aux éditions Luxe en janvier et qui nous raconte une histoire du mouvement homosexuel en France de 1974 à 1986. Mathias va nous raconter ce qui l'a amené à vouloir connaître cette histoire, son parcours universitaire pour pouvoir faire ses recherches, et puis son choix de les éditer sous forme de livres pour en donner l'accès à un public plus large et plus concerné, pouvoir nous retransmettre tout ça. On l'a interviewé le mois dernier à l'occasion de la tournée de présentation de son livre, alors ce mois-ci on va moins parler et plutôt écouter ce que Mathias a à nous raconter sur son processus de recherche, sur comment rencontrer des personnes qui ont cette histoire à transmettre, sur ce que ça change d'être un PD qui fait ses recherches, et aussi sur cette histoire qu'on connaît quand même assez mal, des GLH, groupe de libération homosexuelle, du QAR, comité d'urgence anti-répression homosexuelle, et aussi, parce que ça nous parle, des histoires de radio. On a adoré entendre parler de tout ça, et on est ravis de vous faire écouter cette interview, et on espère que ça nous donnera des imaginaires pour se défendre et s'organiser dans ces temps compliqués. Bonne écoute. Du coup, la première question, c'est si tu veux te présenter un peu pour des auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Eh bien, du coup, je m'appelle Malo. Pardon. Non mais du coup, pour me présenter, je pense d'un côté je peux dire que je suis historien, ou en tout cas je fais de la recherche en histoire et principalement sur l'histoire du mouvement homosexuel français dans les années 70 et dans les années 80 en France. Et de l'autre, et parce que je pense que c'est important et je pense que je serais jamais arrivé à être historien si j'avais pas été militant avant, et que ça c'est un élément particulièrement fort et important de mon parcours d'avoir été militant PD, et ce qui m'a, peut-être on reviendra là-dessus par la suite, mais qui m'a poussé à me lancer dans la recherche. Justement, les questions qui suivent, je suis hyper bien, c'est super. C'est comment t'en arrives, ou comment on en arrive, jeune PD, à s'intéresser aux luttes homosexuelles du passé? Du coup, je peux parler de ma propre expérience, en tout cas, de comment moi j'en suis arrivé là. Et c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années maintenant. On était en 2009. Dans une fac d'une université bretonne, on était à Brest, et on occupait la fac sur un mouvement social qui était contre la LRU2. Et les temps de blocage peuvent être des fois comme un petit peu longs. Et y a une camarade qui un jour est venue et qui m'a montré une brochure que je ne connaissais pas. Et en fait, cette brochure, le nom c'était Rapport contre la normalité du phare. Et du coup, j'ai découvert cette brochure que j'ai lue, et là, ça a été une espèce de révélation. Enfin, vraiment, je me souviendrai, je pense, pour toujours de ce moment, quoi. Ça a été un espèce de bouleversement vraiment hyper intense d'un coup comprendre, ou d'un coup avoir cette idée-là de que je pouvais être un militant révolutionnaire. En tout cas, la perspective de la révolution était particulièrement importante pour moi. Mais aussi que, en fait, je pouvais être militant PD, quoi. Et que être PD et révolutionnaire à la fois, ça pouvait marcher, ça pouvait marcher ensemble. Et voilà, ça c'était la première entrée. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve des traces de cette histoire, de ces histoires. Et je me suis mis à la recherche de textes, de livres. Enfin, vraiment, je suis allé dans les bibliothèques, je suis allé dans les librairies à la recherche d'histoires autour de tout ça. Et de me rendre compte que les rayons étaient désespérément vides. Et du coup, je me suis dit, en fait, cette histoire, personne va l'écrire pour nous. On est des populations minoritaires, on le restera. Et du coup, soit l'histoire, on s'en empare, un peu dans ce truc de l'histoire des vaincus, quoi, de on fait pas partie de la grande histoire. Et du coup, j'ai essayé de faire ça. Enfin, je me suis dit, vas-y, lance-toi un peu dans cette recherche, essaie de trouver des pistes, des traces de toutes ces histoires. Et j'ai d'abord essayé de faire ça seul dans mon coin, en habitant encore à Brest, sans trop d'outils, sans faire partie de rien. Et j'avoue que bah, ça n'a pas marché. Et du coup, il a fallu attendre encore quelques années que je déménage, que je parte vivre à Toulouse, et que j'arrive dans cette ville où en réalité je connaissais personne. Et où, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, peut-être ça serait le moment de retourner à la fac. Et du coup, c'est là où j'ai commencé un mémoire de master en histoire. Et je me suis dit, bah voilà, là t'as le cadre, là t'as les moyens finalement de te lancer dans cette recherche. Et c'était un petit peu ça le début. Livre sur le phare qui a été édité dans une imprimerie à Brest. Est-ce que tu faisais partie de cette petite bande? Est-ce que tu veux bien nous vous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, carrément. Du coup, là on est quelques années plus tard, on est en 2012, si je me souviens bien. On avait du coup réussi à trouver un exemplaire. Alors je sais plus si c'était sur internet ou si on a réussi à trouver un exemplaire papier du rapport contre la normalité. Du coup pas la brochure mais vraiment le bouquin en entier. Et bah, c'est un bouquin qui évidemment qui est complètement introuvable aujourd'hui. Même s'il a été réédité par un vieux militant qui s'appelle Patrick Cardon, qui a une maison d'édition qui s'appelle Kekitch Camp, et qui l'a réédité en réalité presque au même moment. Et du coup je faisais effectivement partie d'une petite imprimerie à Brest. Et j'ai proposé ça aux camarades de réimprimer en fait le bouquin. En fait, on l'a fait deux fois, on a eu une première et une deuxième édition. L'idée c'était, en fait, on organisait un chantier collectif en fait pendant une semaine où on invitait des potes et des camarades d'un peu partout finalement à venir faire le bouquin avec nous. Et du coup, c'était vraiment, ouais, c'était dans l'époque où on avait encore, enfin, dans cette vie brestoise, pas mal tourné autour des squats. Et du coup, on a fait ça dans un squat qui s'appelait La Fosse Commune. Et du coup, c'était vraiment hyper chouette. On commençait le début de la semaine, on avait bien tout préparé avec une espèce d'énorme tas de papier qui était 300 exemplaires qu'on avait juste imprimé et on allait faire le livre nous-mêmes, quoi. Du coup, on faisait la couture, la reliure par nous-mêmes. Et tous les soirs, on organisait aussi des projections, des disputes, des teufs. Et du coup, c'était vraiment un moment collectif pour se réapproprier cette histoire. Et ce qui a fait deux rééditions, à une fois, je crois, 200 et une fois 300 exemplaires. Où on s'était vraiment amusé aussi à faire la quatrième de couverture en typographie, faire de la sérigraphie sur la couverture. Enfin, c'était vraiment des beaux objets. Et qu'après, on envoyait un peu comme ça à nos potes à travers toute la France. Bah, du coup, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu ton travail de thèse et du coup ce qui a donné ce livre Quand nos désirs font des ordres? Du coup, ce livre, qui est effectivement issu d'une thèse, retrace l'histoire du mouvement homosexuel français métropolitain entre 1974 et 1986. Peut-être on reviendra tout à l'heure où on pourra revenir sur les dates et pourquoi j'ai choisi ces dates-là. Donc c'est une recherche qui s'est presque menée sur... En tout cas, là, on est en 2025, le bouquin vient de sortir, et cette recherche, moi, elle a commencé en 2015. Du coup, c'est un processus de presque 10 ans où j'ai fait la recherche, où j'ai écrit donc cette thèse qui est longue. C'est une thèse de 716 pages. Du coup, c'est un gros morceau. Et je pense pour moi, il y avait l'évidence dès le départ que si c'est bien au sein de l'université, si c'est l'université, elle m'a donné le cadre de pouvoir faire ce travail. Cette recherche, elle n'était jamais destinée à la fac d'une manière ou d'une autre. Aucune envie que juste cette thèse ou même les mémoires de master qui venaient avant reposent dans une bibliothèque ou dans les sous-sols d'une bibliothèque et prennent la poussière et soient jamais consultées. Et du coup, il y avait vraiment l'envie de la partager, en fait, de voilà tout ce que moi j'ai découvert, tout ce que j'ai appris en faisant cette recherche, de la partager à d'autres. Et donc il y a ce bouquin quand nos désirs font des ordres, mais déjà le Master 1, ça avait été l'occasion d'en faire une édition, une première édition, avec la maison d'édition Tain Party à Lyon. Et ça a donné un bouquin qui s'appelait « Qui sème le vent récolte la tapette ». Et c'était hyper chouette parce que, et je pense que c'est un peu cette manière-là qui me parle de dire qu'effectivement, il y a ce travail qui était fait dans le cadre de l'université, mais qui ne lui est pas destiné, et qu'il y a une espèce de l'envie d'une espèce de réappropriation collective de tout cela. Et ce premier bouquin, « Qui sème le vent récolte la tapette », c'était une espèce de réécriture collective avec un petit groupe de 5 personnes. On était 5. Ou pendant 6 mois, une semaine par mois à Lyon, on se retrouvait pour retravailler du coup le mémoire de master. Et donc voilà, le premier mémoire de master, il était justement sur les GLH, sur les groupes de libération homosexuelle. Ensuite, le master 2, c'était sur un autre groupe, le QAR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle. Mais je voyais bien que je n'étais pas arrivé au bout, quoi, qu'il restait encore beaucoup de bouts de cette histoire à découvrir, à défricher. Et du coup, j'ai continué à faire à cette recherche en thèse, du coup, ce qui m'a donné encore quelques années de plus pour aller dans des nouveaux fonds d'archives, rencontrer encore d'autres militants de cette histoire, et de complexifier une histoire. Et du coup, c'est une thèse que j'ai soutenue en juillet 2022. Et très vite, voilà, il y avait cette espèce de certitude qu'il fallait en faire quelque chose, qu'il fallait trouver une forme pour la restituer. Alors déjà, d'un côté, aux militants et aux militantes de cette histoire qui m'avaient fourni les archives, enfin, qui m'avaient donné accès aux archives, qui m'avaient donné beaucoup de temps pour faire des entretiens. Voilà, on a passé quand même beaucoup de temps ensemble tout au long de cette aventure. Peut-être qu'on pourra revenir sur le lien avec ces militants, militantes aussi par la suite, mais c'est vraiment une histoire qui s'est faite avec elle et avec eux en permanence. Et effectivement, peut-être que là, il y a plein d'autres formes qui auraient pu être possibles, ou il y a peut-être plein d'autres formes qui sont encore possibles pour transmettre cette histoire. La radio, ça en fait partie, par exemple. Mais j'avais cette envie, ouais, d'en faire un livre, enfin de se dire de toute façon personne ne va lire cette thèse, elle est beaucoup trop longue, et je comprends bien, moi-même je pense que j'aurais pas eu envie de faire ça, et du coup il y a eu voilà ce travail éditorial avec Lux pour en faire un ouvrage qui est beaucoup plus court et que j'espère beaucoup plus accessible et qui donne une idée un peu plus générale de cette histoire. From the pas ces dates. Ouais. 74 ou 86. Et alors 74, c'est la naissance du premier groupe de libération homosexuelle. Pourtant, il y a des groupes qui existaient auparavant. Et peut-être je peux faire une petite rapide généalogie de ces groupes. Alors, la première revue homosexuelle en France, elle s'appelle Inversion. Et elle naît dans les années 20. Mais elle va être très vite interdite et censurée. Et j'avoue que moi, j'ai pas une grande connaissance de ce qui se passe autour de cette revue par la suite. Mais ensuite, on arrive aux années 50, qui sont vraiment des années de répression morale forte, d'un conservatisme politique et moral particulièrement fort. Mais dans tout ça, il va y avoir une première organisation qui va avoir le jour, qui s'appelle Arcadie. Arcadie, c'est une organisation qui est fondée par un ancien séminariste qui s'appelle André Baudry et qui a une certaine idée de ce que doit être l'homosexualité. D'ailleurs, on ne parle pas d'homosexualité, on parle d'homophilie. Parce que l'homosexualité est une connotation trop sexuelle, très probablement. Dans la mémoire militante, Arcadie a été comme vraiment décriée par les militants et les militantes, particulièrement dans les années 70. Et je pense aujourd'hui, en fait, il y a un véritable enjeu à... Enfin, il y a une évidence que Arcadie était quand même d'une certaine manière assez conservatrice. Il fallait pas trop faire de vagues. L'idée, c'était quand même de vivre quand même relativement à visage, je sais pas si caché, mais en tout cas, ne pas faire de grands esclandres. Mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de... Il y a un enjeu à réhabiliter, je pense, Arcadie, parce qu'en fait, ils ont quand même... Cette organisation, elle est apparue dans un moment, justement, de conservatisme politique particulièrement fort. Enfin, on peut se souvenir, par exemple, que en 1960, il y a un député de droite qui s'appelle Paul Mirguet qui va réussir à faire qualifier l'homosexualité de fléau social, de la même manière que la tuberculose ou l'alcoolisme. On est dans un moment où certaines formes de relations homosexuelles sont réprimées depuis une loi pétainiste de 1942. On peut aussi rappeler qu'entre 1945 et 1978, il y a 10 000 personnes qui sont condamnées en France à de la prison, ferme ou avec sursis, pour avoir eu des relations homosexuelles. Donc il y a cette première organisation qui existe et qui va permettre finalement l'émergence de tout le reste. En mai 68, dans la Sorbonne occupée, on a l'apparition du CAPRE. Le CAPRE, c'est le Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire. C'est fondé par deux garçons, ça va pas durer hyper longtemps. Le temps de quelques tracts, une affiche, quelques réus avec quelques dizaines de personnes, mais vraiment ça va s'évanouir dans ces événements de mai-juin 68, qui d'ailleurs sont un peu contrairement à ce qu'on imagine souvent. En fait, c'est pas le moment de la libération sexuelle ces années-là, quoi. Il y a une espèce de quand même de moralisme militant qui est particulièrement fort chez les Mao et chez les trotskistes, ce qui fait que il va falloir encore attendre quelques années pour que ce qu'on peut appeler les mouvements du sujet minoritaire, ils vont véritablement se développer au début des années 70. Et effectivement, le mouvement homo, il va exploser au début des années 70. Il explose, on doit, je pense, une reconnaissance éternelle au mouvement féministe qui a vraiment comme essuyé les plâtres dès le début des années 70 et qui va permettre l'émergence d'un milieu homosexuel, d'un mouvement homosexuel. Et donc, en 1971, on va avoir la fondation du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui... dont les dates durent jusqu'en 1974, mais en réalité, c'est une expérience de quelques mois. Un groupe fondé d'ailleurs justement par des lesbiennes et des féministes, c'est un truc qu'on oublie souvent, que les garçons n'ont rejoint que dans un deuxième temps, et qu'ils ont investi particulièrement dans un deuxième temps, qui va d'ailleurs faire fuir les Gouines, qui vont aller fonder les Gouines Rouges, qui va durer aussi quelques semaines, quelques mois. Mais tout ça, que ce soit le Phare, que ce soit le Capre, que ce soit Arcadie, en fait, bah, c'est des groupes et c'est des expériences parisiennes. Et moi, probablement du fait de ma propre trajectoire, d'avoir grandi dans le Nord Finistère, d'avoir passé des années à Brest puis à Toulouse, il y avait quelque chose de l'ordre de, j'étais pas tout à fait satisfait avec cette idée que l'histoire elle ne soit que parisienne, et de faire l'hypothèse, de faire le postulat en fait que fait, le mouvement homosexuel français, il va vraiment se constituer à partir du moment où des groupes homosexuels et lesbiens vont exister sur l'ensemble du territoire français. Ça veut dire dans des villes comme Paris, comme Marseille, comme Lyon, évidemment, mais aussi dans des villes comme Brest, comme Dijon, comme Saint-Étienne, comme Mulhouse, enfin voilà, dans des petites et des moyennes villes en région. Et c'est des groupes qui vont justement chercher à faire mouvement, qui vont chercher à se mettre en réseau. D'ailleurs, c'est des groupes qui vont faire le choix de tous s'appeler GLH, de tous s'appeler groupe de libération homosexuelle. Il n'y a pas de formulaire pour devenir un GLH, quoi. Il n'y a pas de ligne à suivre ou quoi que ce soit. C'est les groupes qui font le choix de prendre ce nom-là. Et du coup, je trouve ça démontre assez fort la volonté d'avoir une espèce de dynamique commune. Et donc, ça donne une situation où, en 1977, donc quelques années plus tard, on se retrouve avec une trentaine de groupes sur l'ensemble du territoire français. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé comme vraiment fascinant et qui m'a juste aussi comme complètement halluciné, quoi. Voilà. Voilà pour 74. Et 86, du coup, vient 12 ans plus tard, c'est pour moi une conjonction d'éléments qui amène à la fin d'un mouvement. Donc en 1986, pas mal de choses qui sont passées, peut-être on reviendra là-dessus par la suite, mais donc on est plutôt avec le QUAR à ce moment-là, avec le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui a eu quelques grandes victoires législatives. La répression législative homophobe a été supprimée. Mais 86, c'est le retour de la droite au pouvoir après quelques années d'expérience socialiste qui ont plus ou moins marché. Mais c'est aussi, et je pense principalement, en fait, c'est le basculement dans l'épidémie du VIH-SIDA en France. C'est-à-dire que là où l'épidémie, elle commence au début des années 80, on est tout le temps avec quelques dizaines, quelques centaines de cas ces premières années. Et en fait, on a un vrai basculement à partir de 1986. On est vraiment avec des milliers de personnes malades et mortes. Et ça va comme vraiment reconfigurer la mobilisation, un truc dont on a plus le temps en fait là de se mobiliser de la même manière qu'on le faisait les années précédentes. Là, il y a une urgence qui est celle de lutter contre la maladie. C'est GLH, est-ce que c'est que des homosexuels masculins? Est-ce qu'il y a aussi des féministes? Est-ce que ça dépend des villes? Est-ce que c'est plutôt des militants du quotidien? Enfin, qui ouais. composent et c'est quoi leurs actions un peu? Et est-ce qu'il y a un peu cette dynamique, comme vous disiez, pour le phare de héros, ouais. Comme on a l'imaginaire maintenant, ouais. ou pas du tout, ou un petit peu, ou d'une autre manière? Déjà, je peux aussi repartir juste de moi et de ma propre histoire. J'ai grandi, pas du tout. j'ai mis bien du temps à grandir sur cette histoire, mais en fait, j'ai découvert Stonewall, qui était une histoire qui est aussi que j'ai comme juste complètement mythifiée. Puis il y a eu Le Phare, et qui est aussi une histoire complètement mythifiée. Et de fait, effectivement, j'ai l'impression que dans la mémoire militante aujourd'hui, il y a Le Phare, et ensuite il y a ACT UP. Et entre les deux, il y a absolument rien, quoi. Et donc, effectivement, Le Phare, c'est... ça a été des dizaines, des centaines de personnes, probablement, mais effectivement, on retient quelques grandes figures. Lee Hockenheim, Françoise Daubonne, voilà, quelques personnages comme ça. Et effectivement, moi, ça m'intéressait, en fait, de raconter une autre histoire. En fait, je me suis posé la question de... En fait, comment c'est possible qu'il y ait des GLH un peu partout? Comment c'est possible qu'il y ait un GLH à Brest? Et du coup, qui sont les militants du GLH brestois, par exemple, quoi? Et là, j'ai eu un apport théorique qui était hyper intéressant d'une géographe des homosexualités qui s'appelle Marianne Blidon. Et cette meuf, elle développe un concept qui est celui de la mise à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'étais resté persuadé, et pourtant, c'était pas du tout mon propre parcours, du coup, ça marchait pas non plus, mais de cette, ce mythe aussi de la fuite vers la grande ville. Si on voulait s'émanciper, si on voulait vivre une vie affectivo-sexuelle heureuse, ben, on n'avait pas le choix que d'aller à Paris, quoi. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que, en soi, on n'a pas besoin de, justement, d'une fuite vers la capitale ou une fuite vers la grande ville pour pouvoir être et s'émanciper. On a besoin de mettre à distance l'endroit duquel on a grandi. Et cette mise à distance, en fait, ça peut être quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres, mais ça n'a pas besoin d'être particulièrement loin. Et si on arrive à faire cette mise à distance, on peut vivre et exister autrement. Et ce qui, je trouve, bah, du coup, fait sens pour moi, qui m'a permis de comprendre aussi vraiment du coup la dynamique des GLH. Et du coup, alors, bah, qui sont les membres des GLH? Alors, peut-être, je peux d'abord commencer sur qu'est-ce qu'on fait dans un GLH. Moi, je pense, au tout départ de ma recherche, pareil, de la même manière qu'au départ, j'ai pu chercher des héros et des héroïnes de cette histoire. Alors, il y a, en vrai, dans les GLH, il y a quelques figures qui existent, c'est une évidence. Mais elles ont rien à voir, elles sont sans commune mesure par exemple, de celles du phare ou même d'acteurs par la suite, quoi. Mais en tout cas, moi, dans un premier temps, en fait, j'ai voulu légitimer cette histoire. Et du coup, du fait de ma propre expérience politique et militante, j'étais à la recherche de tracts, de comptes rendus de réus, d'actions, d'occupation d'usines, ou de diff devant les usines, enfin, un truc militantisme très classique, très comme il faut faire, quoi. Et en fait, très vite, de me rendre compte que je faisais complètement fausse route. Parce que tout ça va bien évidemment exister dans la vie, dans la vie des GLH et dans le militantisme que ces membres y vont avoir. Mais ça vient seulement dans un troisième temps. D'ailleurs, les militants et les militantes des GLH, ils vont pas parler de militantisme, ils vont parler de militance. Ils voulaient vraiment vouloir faire une différence entre voilà, ce militantisme plus classique qui est voilà, d'organiser une réunion, organiser une marche, de distribuer un tract. Pour eux, il y a le premier truc, c'est en fait c'est sortir de l'anonymat, c'est sortir de l'isolement, c'est trouver des semblables, c'est trouver des camarades en fait. Des amis, des camarades, des amants sont principalement révolutionnaires. Et du coup, ces groupes, dans un premier temps, c'est des groupes de parole où on se retrouve soit dans l'appartement de quelqu'un, soit souvent dans l'arrière-salle d'une librairie. Et en fait, pendant des semaines, des mois, on va juste être ensemble, on va discuter, on va faire son coming out, on va essayer de trouver de la force avec ses proches et ses camarades. Et du coup, ben, ça a fait que c'est évidemment pas tout le monde qui rejoint un GLH, mais là où par exemple le phare c'était quand même un regroupement principalement d'étudiants, les GLH c'est beaucoup plus des employés, des petits fonctionnaires, des chômeurs, alors des personnes plutôt jeunes, hein, des personnes plutôt entre 20 et 30 ans, mais des gens qui ont juste besoin d'exister et de voilà de sortir de l'isolement. J'ai retrouvé là pas mal de lettres que reçoivent les GLH, souvent écrites par des jeunes personnes, soit à la campagne, soit dans des petites villes, autour des villes où il y avait des GLH, qui vraiment ils crèvent de solitude, quoi. Et ils écrivent aux GLH justement pour sortir de cette solitude, trouver des semblables. Et du coup, c'est que dans un second temps, une fois qu'on a réussi justement à trouver de la force un peu avec des camarades, des proches, qu'il va y avoir on va chercher à construire politiquement le groupe, on va chercher à lui donner une orientation politique. Et de fait, on est dans les années 70, et la grande majorité des GLH vont embrasser la lutte révolutionnaire. Et c'est vraiment juste dans un troisième temps qu'on va se lancer dans des actions. Mais aussi, en fait, parce qu'il faut un putain de courage pour aller distribuer un tract sur un marché, en fait. Parce que, à nouveau, ce qui est possible à Paris, de par exemple aller faire une diff sur un marché et rentrer chez soi et retourner au taf et vivre dans une forme d'anonymat, ben dans une ville comme Mulhouse, c'est pas possible en fait. Parce que ce soit sur le marché où les gens probablement te reconnaissent, en tout cas c'est dans des villes beaucoup plus petites, mais aussi tout simplement dans les milieux militants de ces villes-là, en fait c'est un coming out permanent que de faire partie d'un GLH. Et voilà. Pour ce qui est de la mixité des groupes, donc les GLH se disent dans leur très grande majorité en soutien aux luttes féministes. Ils savent très bien ce qu'ils doivent aux luttes féministes qui les ont précédées. Une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux d'ailleurs, se déclarent comme étant des groupes mixtes. Mais ça va pas vraiment se passer comme ça. Il y a quelques groupes où effectivement il y a des tentatives de mixité qui sont faites. Mais la réalité c'est que les garçons sont encore vraiment pétris de misogynie. Et les meufs très vite elles pètent des câbles en fait. Et du coup les expériences de la mixité, elles sont pour les années 60, pour les années 70 en tout cas, parce que dans les années 80 ça va être une autre histoire, mais pour les années 70 elles sont particulièrement éphémères. Et du coup les lesbiennes qui se retrouvent plus dans le mouvement féministe dans lequel elles ont été, dans lequel elles ont beaucoup été, qui s'y retrouvent plus parce que on leur demande de cacher leur lesbianisme, parce qu'il faut pas effrayer les masses ouvrières, et qui sont aussi à un moment donné comme fatiguées de lutter pour l'avortement, lutter pour la contraception, qui sont pas des combats qui les concernent, ou qui peut-être ne les concernent plus, elles vont en fait créer leur propre groupe. On va avoir la naissance du GLF, groupe des lesbiennes féministes, en 1975 à Paris, et après, dès l'année suivante, on va avoir des groupes lesbiens qui vont se constituer dans une dizaine de villes en France. Comment les GLH ils sont reçus par le reste du milieu militant, syndicaliste, enfin comme on dit de gauche, ouais, à cette époque-là? Eh ben, bah, comme on peut imaginer, ça se passe assez mal. L'histoire qui est peut-être un peu connue ou qui est souvent racontée, c'est la manif du 1er mai 1971 où le cortège du phare, à la suite du MLF, va chercher à rentrer dans la manif, et que en fait le service d'ordre de la CGT va tout simplement leur péter la gueule. On va vraiment en tout cas chercher à les empêcher de rentrer dans la manif. Les relations avec la gauche et l'extrême gauche, elle est particulièrement complexe et difficile tout au long de la décennie. Pour beaucoup, les militants et les militantes des GLH, ils viennent de la gauche, de l'extrême gauche. Ils ont pour beaucoup fait partie d'une orga, d'un syndicat, desquels soit ils se sont fait têche pour homosexualité, soit parce qu'ils en sont partis, parce que juste ils en pouvaient plus d'être dans des espaces où ils pouvaient pas être qui ils et elles voulaient être. Et du coup, d'un côté, ces militants et ces militantes, mais c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, de faire une espèce de, enfin, ce qu'ils vont appeler de l'autorépression. De considérer que leur lutte elle est secondaire, qu'elle est pas légitime, que ça va être hyper difficile d'imposer la légitimité de leur lutte, et de l'autre se retrouver face à des organisations de gauche et d'extrême gauche qui sont juste farouchement hostiles à l'homosexualité, quoi. Il y a Jacques Duclos du PCF, qui est un des dirigeants du PCF, qui va quand même réussir à dire dans un entretien dans le Nouvel Obs que la classe ouvrière n'a rien à voir avec les PD. Enfin, un truc de... C'est des positions qui sont hyper franches, qui sont hyper claires. Et c'est l'extrême gauche qui, d'abord, va faire évoluer ses pratiques et son rapport à l'homosexualité. D'abord les groupes anarchistes, et ensuite la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, qui va d'ailleurs avoir en son sein une commission nationale homosexuelle à partir de 1977, qui va pas très bien marcher non plus, mais en tout cas ils font une tentative. Et progressivement le PS, le PCF, ils vont faire bouger leur position. mais c'est des relations qui sont ouais, particulièrement complexes et hostiles dans cette décennie des années 70. Il revient à ma mémoire des souvenirs par milliers. Je revois les ombres noires de centaines de policiers. Sur le chemin de la révolte, je criais à pleine voix des colères à mille volts et des slogans pleins d'émoi. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance. Tu ravives des douleurs. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance. Tu ravives des douleurs. Tes messages de massacre en esclavage ne nettoieront pas les pages de ton livre des horreurs. Oui, tu m'aimes quand je te remplace même. Oui, tu m'aimes surtout comme souffre-douleur. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs. Honte France, cher ennemi de mon enfance, berceau de l'intolérance, tu ravives des douleurs. Historien, du coup, ton travail d'abord, tu vas travailler d'abord sur des archives et après tu vas retrouver à partir de ces archives des gens. Et comment t'as, parce que nous, c'est un truc, je pense, auquel on est confronté aussi quand on fait de la radio, c'est une fois qu'on retrouve les gens, comment t'arrives à leur faire parler de leur histoire qui est souvent difficile, ou alors tu te retrouves face à des gens qui te disent, oh, mais non, mais moi j'ai rien à raconter parce que mon histoire elle est très banal, et du coup, comment t'arrives à faire parler des gens et qu'est-ce qu'ils racontent toute cette histoire? Ouais. Toutes ces histoires. Ça a été une chasse au trésor. Depuis le départ. C'est-à-dire que, quand je me suis décidé à faire cette recherche au mouvement homo dans les années 70, au départ, même moi, je connaissais rien. Enfin, même les GLH, j'avais peut-être vu une fois le nom, mais vraiment un truc de j'en savais absolument rien. Et c'est un autre universitaire à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Massimo Préaro, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le mouvement politique de l'homosexualité, qui est assez théorique, mais qui est assez, enfin, qui m'a pas mal inspiré et qui m'a donné un contact, en fait. Il m'a donné le contact d'un garçon qui s'appelle Christian à Marseille. Et Christian, c'est un garçon qui s'appelle Christian Deleuze, qui, depuis les années 80, a eu cette perspicacité, qui a eu cette rigueur de garder, de tout garder. Et j'ai pris contact avec lui à l'automne 2015, et je lui ai demandé si je pouvais accéder à ses archives. Et il m'a dit, bah ouais, carrément, viens à Marseille. Du coup, je suis allé à Marseille. Et ce qui était intéressant, c'était que avant qu'on aille dans l'appartement où il y a toutes ces archives, on a d'abord bu un café ensemble. Et au cours de ce café, il y a eu un truc de... où je me suis fait un peu tester, quoi. Donc, aujourd'hui, Mémoire des sexualités, c'est un centre d'archives communautaires qui, je pense, qui est bien connu un peu dans le milieu queer français en 2025, quoi. Mais quand j'y vais pour la première fois en 2015, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui vont par an. Enfin, c'est encore très peu connu. Et Christian, il fait vraiment ça dans son coin seul, quoi. Il y a pas tout le collectif qui existe autour de Mémoire des sexualités comme ça existe aujourd'hui. Et du coup, il me dit un peu, bah, qui t'es, toi, et pourquoi t'es là, et qu'est-ce que tu veux savoir, quoi. Et du coup, comme ça, on a une discussion de, où je lui explique un petit peu c'est quoi mes intentions, pourquoi je veux faire ça, d'où je viens, et c'est quoi mon rapport à cette histoire. Et c'est que dans un deuxième temps qui va me montrer du coup cet appartement où il y a des étagères qui montent jusqu'au plafond et remplies d'archives. Et c'est à partir de ce moment-là, parce que ce moment-là, il s'est juste très bien passé entre nous, que Christian m'a dit, bah écoute, en fait, il a sorti en gros son répertoire, son carnet d'adresses, et il m'a dit, ben, maintenant tu pourrais contacter un tel, une telle, machin. Et c'est un peu une espèce de toile comme ça qui s'est tissée au fil du temps. Et donc, il y a des personnes à qui j'ai écrit, à qui j'ai demandé, est-ce que tu as des archives que je pourrais consulter? Ou même, est-ce qu'on pourrait faire un entretien? Je trouvais ça hyper intéressant. Et il y a vraiment eu plein de cas de figure assez différents. Il y a eu... donc, il s'est passé plusieurs fois ce truc de... La grande majorité des personnes à qui j'ai pu parler, quand j'ai commencé cette recherche, à la fin des années 2010, qui m'ont dit, sincèrement, jamais on n'aurait cru que notre histoire intéresserait quelqu'un. Sincèrement, jamais on n'aurait cru que ce qu'on faisait, c'était écrire l'histoire, en fait. Et du coup, qui sont comme complètement surpris que je toque à leur porte pour les interroger. C'est des histoires qui ont bouleversé leur existence. La grande majorité des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, par exemple, ils sont toujours potes 40, 50 ans plus tard, quoi. Cette expérience politique, elle les a radicalement... Enfin, ça a changé radicalement leur vie. Et donc, il y a eu vraiment plusieurs cas de figure où... Voilà, j'ai été testé. En fait, il fallait construire un truc de confiance, quoi. Du coup, ça a pu être, par exemple, de... J'allais chez quelqu'un avec cette idée que on allait faire un entretien, et en fait, ben, je passe l'après-midi avec la personne et je sors pas mon enregistreur. Parce que, il fallait créer la confiance, et du coup, il fallait revenir une deuxième, voire une troisième fois, avant que la personne accepte de répondre à mes questions. Il y a évidemment ces personnes qui disent, ah non, mais moi, j'étais personne dans cette histoire, tu ferais mieux d'en parler avec un tel ou avec une telle. Bon, des fois j'ai insisté, des fois je l'ai pas insisté, mais je sais pas, par exemple, je pense à un garçon qui s'appelle Jean-Claude, qui à mon premier mail m'a dit non, par contre, j'ai vraiment rien à raconter. Moi, j'étais que le photographe du QR. J'étais juste là pour prendre des photos. Et du coup, si jamais vous avez le bouquin entre les mains, en fait, la grande majorité des photos qui sont dans ce bouquin, c'est les siennes. Et en fait, elles sont juste trop magnifiques, toutes ces photos, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah, Jean-Claude, ok, peut-être on peut ne pas faire d'entretien, mais si t'es d'accord, moi, je veux bien te rencontrer quand même pour voir tes photos, voir si on peut en faire quelque chose. Enfin, c'est, voilà. Et du coup, ça dépendait vraiment des gens. ça a été aussi, je pense, un truc que j'ai beaucoup aimé faire, c'est prendre pour des gens qui, par exemple, disaient « Non, mais moi, j'ai rien à dire. Je suis sûr que t'as plein de choses à dire, mais que pour plein de raisons, probablement, tu te sens pas légitime. » C'était de venir avec un tract, en tout cas, de venir avec une archive et dire « Tu vois, ça, c'est toi qui l'as écrit. » Et du coup, de la lire ensemble et de réagir là-dessus à partir de ça. Du coup, il y a eu plein de manières de faire un petit peu différentes, mais je pense que l'enjeu, ça a vraiment été de construire la confiance. Et dans, par exemple, dans tout le processus de la recherche universitaire, par exemple, tous les entretiens que j'ai pu faire avec eux, avec elles, ça a été de tout leur envoyer et qu'elles ont un droit de regard sur tout ce que j'ai pu faire. Et du coup, c'était si t'as envie de modifier l'entretien, si t'as envie d'intervenir dedans, t'en fais ce que tu veux. Enfin, vraiment, cet objet t'appartient, quoi. Et par exemple, il y a un militant qui s'appelle Michel. Ben, notre entretien, il était trop content, il a pas mal réécrit, mais il l'a édité à son propre compte. Et voilà, parce que ça parlait de sa vie. Et du coup, il en a fait un petit bouquin assez joli. Ouais, voilà. Est-ce que tu as des traces de GLH à Saint-Étienne que tu pourrais leur filer? Du coup, j'ai trouvé des traces du GLH de Saint-Étienne, mais pas les traces directes, en fait. C'est dans des bulletins, dans des journaux du mouvement, où souvent, à la fin, il y a un espèce d'annuaire des groupes, et il y avait le GLH de Saint-Étienne. Mais non, malheureusement, je peux pas vous donner un fond d'archives sur cette histoire. Et est-ce que tu as un peu plus d'infos sur les émissions de Radio Gay qui étaient diffusées sur les radios libres dont tu parles, page 92? Ça, c'est un truc que j'ai trouvé genre complètement fou et que j'ai trouvé passionnant et que les militants et militantes qui ont fait partie de ces expériences-là me décrivent souvent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, c'est les émissions de radio. C'est-à-dire que dans les années 70, plutôt, ils étaient en mode faire des bulletins renéotypés, ça prenait du temps, ça prenait beaucoup d'énergie, c'était pour quelques dizaines, quelques centaines d'exemplaires. Et avec l'évolution du mouvement vers le QR, du coup, il y a cette idée... Comment dire, les GLH, ça reste quand même des groupes entre 20 et 40 personnes qui vont, pour beaucoup, c'est quand même des groupes assez intello, qui sont assez loin finalement de ce qu'ils appellent les masses homosexuelles. Et avec le QR, il y a vraiment cette envie d'avoir des nouvelles manières de faire, des nouvelles formes d'intervention politique. Et du coup, il y en a deux que je trouve particulièrement intéressantes, c'est... je dévie un peu, mais il y a les lieux associatifs gays et lesbiens qui vont se développer au début des années 80. C'est des espèces de... Enfin, je pense que c'est les ancêtres des centres LGBT tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est vraiment des centres sociaux autogérés, quoi. Des espaces dans lesquels il se passe énormément de choses, des cantines, des proches, des réunions, des permanences juridiques, d'accueil, et dans certaines d'entre elles, il y a aussi du coup des émissions de radio. En fait, il y a ce truc de, il y a cette explosion des radios libres au début des années 80. Et en fait, évidemment, les PD et les Gouines vont aussi s'investir dans ces espaces. Il va y avoir même à Paris une radio qui est Fréquence Gay et qui est purement homosexuelle et qui va fonctionner 7 jours sur 7, H24. Mais il va y avoir des émissions gays et lesbiennes dans près d'une trentaine de villes en France. Ça va être des créneaux souvent une fois par semaine, entre 1 heure et 3 heures, un petit groupe de personnes. Et ce qu'ils racontent, c'est se dire que en fait, ils vont pouvoir toucher des personnes qui vont pas s'abonner à un journal, et particulièrement des jeunes personnes, en fait, qui habitent encore chez leurs parents, qui ont pas le luxe, qui ont souvent pas fait leur coming out, qui ont pas luxe ou qui peuvent tout simplement pas s'abonner à un magazine ou un journal gay ou lesbien, et qui le vendredi soir vont mettre le transistor sous l'oreiller et écouter l'émission de radio et comme ça nourrir les imaginaires dans l'attente de partir de chez leurs parents. Et je sais pas, par exemple l'émission du GLH de Marseille qui s'appelle Dérive Nocturne, qui passe justement le vendredi soir, il revendique près de 3000 auditeurs et auditrices. Enfin, ça fait un truc de... Il y a une audience qui est démultipliée, et tout va beaucoup plus vite. Parce que ce à quoi permettaient les journaux, c'était entre autres de faire passer des petites annonces, des petites annonces de rencontres. Il y avait ça dans les journaux du mouvement, mais aussi dans un autre journal qui est fondé en 73, qui est le journal Libération. Et dans lequel, voilà, ça va être Libération, va vraiment dans les années 70 être un porte-voix du mouvement homo. Mais voilà, ça prend du temps en fait de publier une petite annonce dans Libération, d'attendre la réponse, enfin voilà. Alors que là, les petites annonces, elles sont lues en direct à la radio. Et du coup, on peut trouver un partenaire, une partenaire beaucoup plus rapidement. Et voilà, et du coup, ça permet de parler d'actualité, de parler de culture, de parler, enfin, d'énormément de choses. C'est un phénomène que je trouve assez intéressant. Mais du coup, ces émissions de radio, elles ont... c'était du direct qui était enregistré ou pas du tout? Enfin, je veux dire, il y a moins de les réécouter? Ou c'est des trucs qui ont... Ou c'était du spontané, enfin, de l'instantané et puis après, il n'y a plus de traces? Alors, il y a... Moi, j'y ai pas eu accès. Mais je sais qu'il y a pas mal d'émissions qui étaient enregistrées. Parce que... organisés comme ils étaient, ils ont créé pour se coordonner toutes les émissions gays et lesbiennes qui existaient en France au début des années 80, ils ont créé la Fédération Gay pour la Communication, un truc un peu comme ça. Et en fait, c'était une banque de cassettes qui était à Nantes, parce que l'idée c'était toujours décentralisé, que tout soit pas à Paris, machin. Et du coup, comme il y avait des émissions qui étaient enregistrées et qui pouvaient se refiler comme ça d'une ville à l'autre si jamais il y avait une émission qui tombait à l'eau, il n'y avait pas l'inspi. Du coup, probablement il y a moyen, j'espère en tout cas, parce que cette recherche d'archives en fait elle fait que commencer en vrai. Hein. Il y a encore mille trucs à faire autour de cette histoire, de ces histoires, de peut-être retrouver des émissions de radio. Moi je pense qu'il faut aller fouiller dans les archives des radios locales aussi. Ouais. Ça fait partie de mes projets radio-dio. Mais parce que ça me fait juste penser que ça pourrait être un truc hyper intéressant, ouais, pour Pédale Scandale, par exemple, d'aller retrouver quelques émissions de radio et en diffuser. Et de fait, il y avait une émission à synthé sur Radio-Dio. Nouvelle zik en forêt, la disto qui fait mal au crâne. Je suis dernier dans Mario Kart, mais je reviens sur mon étoile. Y'a des robots sur les toits, plus de chis sous mes doigts. Qui va demander ton prénom, toi, en dollars, tu veux quoi? Non, elle va la baisse, y'a des fachos partout. J'suis dans ma peur, mais j'aimerais dire on casse tout. La peste arrive, on sort plus de chez nous. Et pourtant faut les voir. Dead, oh, vous détestez tous tous les jours. Je t'étais calme dans ma tête, score. J'reste dans ma chambre, j'pète un RSA. Mais bordel, faites x10 sur mon RSA. On sait dans quelle poche est la thune, j'dirais pas que c'est troublant. T'as beau arroser le sol, y'a un qui pousse sous le banc. J'me fais canner, c'est pas par un cœur. Je suis trop blanc. Un million pour un assassin, pas d'accusé sur le banc. J'sais pas comment faire cette fois cette taille. Et fan d'enfer s'il y a personne pour se taille. La tête sous l'eau, on respire par la paille. On va pas se taire parce que ça y est. Personne nous dira comment faire la blague. Rien qu'à personne qui nous entoure, c'est tout pas moi. Ils savent pas le score qu'on prépare, j'ai dit c'est tout pour mes pétards. se battra encore contre des moulins sombres. Contre des moulins sombres. Dans ton livre, tu choisis aussi de raconter les conflits. Je crois que c'est important pour toi. Et d'ailleurs, moi, la lecture du livre, c'est assez hallucinant de se rendre compte que les conflits, ils sont quand même beaucoup toujours un peu les mêmes. Du coup, est-ce que tu as envie de parler de ça? Pourquoi déjà tu racontes, c'était important de raconter les conflits? Et qu'est-ce qu'on peut retirer des conflits du passé encore aujourd'hui? Du coup, un peu de la même manière de, est-ce qu'on a besoin de héros ou de héroïnes? Je pense au départ, j'étais un peu comme, je crois que j'avais envie de raconter une histoire, la version héroïque de l'histoire du mouvement PD en France, quoi. Et en fait, très vite, de me rendre compte, bah, que ça servait à rien. Enfin, comment dire, ça serait probablement très joli, mais d'une, ça serait faux. Et ensuite que, en fait, à quoi ça nous servirait une histoire sans aspérité, une histoire qui retranscrivrait pas les conflits du passé. Et d'autant plus, comme tu dis, parce que des débats, des conflits révolutionnaires contre réformistes, les débats autour de l'identité, c'est quoi une identité homosexuelle, est-ce qu'elle est suffisante, j'ai l'impression que ça fait énormément écho. Enfin, moi, ça me fait énormément écho à des discussions ou à des débats que j'ai pu avoir tout au long de ces dernières années. J'arrive pas à trancher. Un truc de, est-ce que chaque génération a besoin de réinventer l'eau chaude? C'est possible. Mais peut-être qu'on peut réinventer l'eau chaude en ayant en tête les conflits du passé. Ou en tout cas, en ayant en tête que c'est des questions, c'est des réflexions qui ont déjà eu lieu et que des gens y ont déjà passé pas mal de temps à y réfléchir. Et du coup, j'ai l'impression que ouais, j'avais besoin de raconter la complexité de ces histoires aussi pour pas juste qu'elles soient juste comme complètement impressionnantes et qu'elles nous paralysent, quoi. Un truc de juste, ça rendrait juste le présent juste complètement terne et sans véritable perspective si le meilleur était déjà passé, quoi. Et du coup, le besoin de raconter une histoire dans toutes ses complexités. Qu'est-ce qu'on appelle une lutte radicale? Et c'est quoi la différence entre une lutte radicale et une lutte révolutionnaire? Est-ce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a un manque de lutte radicale aujourd'hui ou pas? Je sais pas si toi tu te sens de répondre à tout ça. Je sais pas si je me sens de répondre à tout ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lutte radicale aujourd'hui? Je pense que je saurais pas trop le définir. Peut-être que pour les années 70, il y a ce désir des militants et des militantes d'inscrire leur lutte dans une lutte révolutionnaire, dans une lutte globale en fait. Il s'agit pas juste d'améliorer leurs conditions d'homosexuels et de lesbiennes, il s'agit vraiment de faire exploser la société. Et c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement, en plus de lutter pour la communauté homo, hein, qui s'appelle pas communauté homo à l'époque, mais en plus de mener une lutte homosexuelle, va chercher à mener cette lutte sur tous les fronts. Et du coup, on retrouve les GLH, par exemple, en 1975, dans une manif contre la centrale nucléaire à Fessenheim, sur le plateau du Larzac en 77, contre l'extension du camp militaire. Ben voilà, du coup, il y a véritablement cette perspective du grand soir, et de faire exploser la société et pas juste penser et améliorer la condition. Ouais, je sais pas. Je pense que l'épidémie du VIH-Sida a a eu des effets et a eu des conséquences qui sont que nous en fait on a je pense beaucoup de mal à imaginer, à comprendre. Je me souviens, je sais pas, par exemple, de quand à quel point j'étais il y a des années encore de ça, genre radicalement contre le mariage ou enfin que je trouvais vraiment juste une institution bourgeoise, et de par la suite de rencontrer les militants et de dire en fait tu peux pas, enfin il faut que tu comprennes que nous on était juste en train de crever et on voulait pas que notre compagnon il perde l'appartement dans lequel on vivait parce qu'en fait juste il y avait aucun lien légal qui existait entre nous et que c'était la famille qui débarquait et qui foutait les gens à la rue. Du coup oui on a eu besoin du mariage, oui on en a eu envie. Et je pense ouais de réinscrire ça dans un temps long, je trouve ça permet de comprendre des dynamiques qui effectivement pourraient paraître comme étant juste réformistes aujourd'hui ou un truc un peu comme ça. Et je sais pas, moi j'ai l'impression quand même que depuis là au moins une bonne dizaine d'années, en tout cas avec le retour des prides radicales, enfin qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui ont un peu bousculé ce qu'était, je pense, le mouvement LGBTI plus classique ou mainstream tel que on s'envisage ou on imagine. Et puis moi, je crois que je l'associais aussi sur le truc de radicalité, de réflexion, en tout cas de faire partie d'un truc global. Beaucoup de transfèmes actuels qui sont beaucoup des trucs d'autosupport, mais qui vont qui ont une conscience de faire partie d'une globalité et qu'il n'y a pas juste le fait d'être des personnes transfèmes, mais d'être des personnes transfèmes qui sont précaires, qui sont prols, qui sont racisées, qui sont potentiellement handi, tox, plein de choses, et d'avoir un truc de... En fait, on va essayer de... Enfin, la radicalité, quelque part, à cet endroit-là, elle est à ce truc de dire on fait partie d'un tout, et du coup, notre lutte, elle va aussi envers toutes les luttes de toutes les personnes racisées, de l'accès au papier, de la lutte contre les frontières, et j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose qui est existant maintenant. J'arrive pas à avoir en tête par rapport à ce que c'était dans les années 70-80. Est-ce qu'il y en a moins ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un truc qui est toujours existant. LGBTQIA+, bien sûr, je prends tout au pied de la lettre. J'suis barré, je tiens la pose, j'suis pas carré, mais triangle rose. Je marche droit sur métronome, je kiffe être sur scène en binôme. Je touche pas terre, si elle est plate, je monte en l'air, j'ai des histoires. Je redescends pas, y'a trop de connards, ils font des zigs, ils font des hives. Vie de quelqu'un, victime de rien, ça fait que se plaindre des impôts. Ça dit de la merde, ça parle trop, ça lève qu'un bras sur les réseaux. Allez, sortez les cordes de chasse, lâchez les couacs pour des drive-by. Les faves font peur dans la police, les genoux qui tremblent, je relève la tête. Et tu te poussais dans les orties, moi aussi je suis complotiste. Laissez-moi vous annoncer que la fachosphère est plate. Leur cœur est froid, leur sang est bleu. Oh mes aïeux, les nazis de... Oh non, oh non, oh non, oh non. Ils sont méchants, méchants, méchants, méchants, méchants. Méchants, méchants, méchants, méchants, méchants, méchants. Qui supprime la ME. Méchants, ils sont méchants, méchants, méchants, méchants. Qui tire des balles dans les yeux. Méchants, méchants, méchants, méchants, méchants. Et c'est nous les méchants, méchants, méchants, méchants, méchants, méchants. Enfin de mots, on met des E. Enfin de mots, on met des E. LGBTQIA+, on a kidnappé l'alphabet. LGBTQIA+, achète-toi un nouveau clavier. Ils nous veulent seuls, mais on est plein. On est partout comme Acaria. En talons, sandales et baskets, converge en claquettes à paillettes. Dans leur tête, ça pue la mort. Ils mettent la joie dans le formol. On la voit dans des verres à pied, sous les relèves. Pas prêt à perdre, on sait tenir l'opposition. Les pieds dans le sol, les reins solides. On sait tenir l'opposition. Je lève mon verre quand pisse préside. Ils sont dangereux par intérêt. Ils gèrent tous les robinets. Quand y'a trop d'eau dans les bassines, bah y'a plus de verre dans les vitrines. Du colibri peut uriner, il ne remplit pas la rivière. Il va chercher la vérité dans les chemtrails de Ryanair. Quand y'a trop d'eau dans les bassines, bah y'a plus de verre dans les vitrines. Leur cœur est froid, leur sang est bleu. méchants, méchants, méchants. Ils sont méchants, méchants, méchants, méchants, méchants. Ils suppriment la ME. Ils sont méchants, méchants, méchants, méchants, méchants. Ils tirent des balles dans les yeux. J'aimerais dire qu'ils me font pas peur et qu'on va pas perdre. J'aimerais avoir tort, pas faire qu'avertir. J'aimerais me tromper, me dire j'ai trippé. C'est juste la parano qui m'a rattrapé. J'aimerais te raconter comment tous mes PD détestent les policiers. J'aimerais te parler d'ateliers secrets, de Gwyn surarmé qui sourit rarement. De mon trap-gang, de mon tronçon, que des casse-coups, des connasses à la peau douce, à de ta bête, à la rescousse. Grande folle, cagoulée, cagole, venue là pour calmer F de souche. Comme SCH, désactive le livre. Je sais que j'ai du pif et que je fais le taf. Quand faut croire qu'on y croit, quand faut dire ça ira, t'en fais pas, je suis là pour chanter qu'on est là. Je voudrais tellement me tromper, te dire qu'on peut espérer. T'es mal à taille du chantier, appelle LGBTP pour bétonner les fafounus. LGBTQIACAB, j'aimerais te dire qu'un jour on va gagner. LGBTQIACAB, j'aimerais te dire qu'un jour on va gagner. Leur cœur est froid, le sang est bleu. Mes aïeux et nazis. Leur cœur est froid, leur sang est bleu. Mes aïeux et nazis. On avait une autre question, c'était pourquoi la maison d'édition luxe? Et bah, je pense, bah, du coup, là, c'est, ça revient un peu à ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire que, ouais, j'ai eu pas mal de chance de, juste après la thèse, après la soutenance de la thèse, j'ai eu deux maisons d'édition qui sont venues me proposer d'éditer cette thèse. Il y avait d'un côté Luxe. Et de l'autre côté, il y avait ENS Édition. Et dans une perspective de carrière... ENS, tu pourrais décrire pour nos auditeurs. ENS, École Normale Supérieure, je pense une des écoles les plus élitistes, peut-être l'école la plus élitiste de France. voilà. Et probablement, dans une perspective de carrière, ça aurait été très bon d'aller chez lui. Mais très probablement, ce bouquin, il se serait retrouvé dans 15 bibliothèques universitaires et il serait jamais sorti de là. Alors que Lux est des gauchistes. Et je savais qu'avec Lux, il y aurait cette envie justement de faire un bouquin qui soit accessible au plus grand nombre et qui soit aussi diffusé de façon un peu plus large que un bouquin qui soit strictement universitaire. Ça s'accompagne aussi d'une tournée de présentation du livre. Et du coup, j'imagine que c'est important pour toi aussi d'aller rencontrer les gens. Enfin, je sais pas si tu as envie de nous parler vite un peu de la tournée aussi. Ben, cette tournée, elle est vraiment hyper chouette dans le sens où ben, j'essaie de faire des dates là où il y a eu des GLH, dans les villes où il y a eu des GLH. Parce qu'en fait, à peu près chaque présentation, il y a un espèce de. Il y a différentes générations qui s'y retrouvent. Il y a des plus vieux et des beaucoup plus jeunes. Et ça permet bah, de faire de la discussion. Ça permet de donner la parole à des gens qui ont soit connu le mouvement ou qui ne l'ont pas connu, mais qui en ont entendu parler. Et qui ont, voilà, qui ont des histoires, qui ont des récits à en faire 40 ans, 50 ans plus tard. Et à d'autres qui sont, bah, qui, nous, qui n'avons pas connu ces histoires-là, d'être là, de pouvoir écouter. Nos désirs font des ordres. Et est-ce que ça a été galère pour toi de pouvoir faire ce travail de recherche là? Est-ce que ou plutôt pas, t'as été accompagné, ou il y a eu des réticences à ce que tes recherches elles soient financées, tout ça? Comment ça se passe aujourd'hui quand on fait ce genre de recherche à l'université? Je pense du coup l'histoire c'est une des disciplines les plus réactionnaires et conservatrices encore aujourd'hui à l'université française, avec cette idée de l'universalisme républicain qui fait que travailler sur des communautés ça ne se fait pas, et de deux ce grand dogme de l'historien et l'historienne qui serait la neutralité. Et du coup ces deux éléments, moi c'est des éléments auxquels je ne crois absolument pas. Et au contraire, vraiment un truc de... Je suis sûr, mais je suis tellement persuadé que c'est ma subjectivité qui m'a permis et d'écrire cette histoire, mais aussi d'y avoir accès. Ce que je vous racontais tout à l'heure, de les liens de confiance, et, enfin dans les rencontres et dans la confiance qui a pu s'établir avec les militants et les militantes de cette époque, c'est bien parce que je suis pédé que tout ça, ça m'a été permis. Donc en soi, c'était pas du tout une évidence que de pouvoir faire cette recherche, travailler là-dessus. Mais j'ai eu la chance d'avoir une directrice de recherche qui est féministe et qui elle-même a dû lutter dans les années 80-90 pour pouvoir exister en tant que féministe à l'université, de travailler sur l'histoire du mouvement féministe. Du coup, je pense qu'elle savait un peu les réticences. Mais pour autant, elle-même, elle a eu des... Enfin, à 3 mois du dépôt de la thèse, elle m'a dit « ta thèse... c'est un bon bouquin, c'est pas une thèse histoire. » Un truc de, quand même un truc de manque de légitimité. Et moi j'ai vraiment essayé de faire du coup, une histoire par le bas, une histoire en faisant justement parler des archives et des militantes, et pas une histoire surplombante des grandes figures par exemple. Et c'est vrai que c'est un parti pris de faire d'histoire comme ça qui est encore hyper minoritaire à la fac. Et du coup. Ça n'a pas été que simple. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu faire cette thèse autrement que à Toulouse avec cette prof-là. Enfin, un truc de d'autres profs qui auraient été d'accord de me diriger. Je suis en tout cas en dehors de Paris. Je sais pas trop où ça aurait pu être possible. Enfin voilà, c'est j'ai eu beaucoup de chance, mais ça reste, je pense, vraiment une galère et complexe que de travailler sur ces sujets aujourd'hui encore. Même si les études de genre c'est un peu à la mode à l'université, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'en histoire que les chercheurs et chercheuses queer galèrent, et du coup j'ai l'impression qu'il y a des groupes qui se forment de chercheurs et chercheuses queer un peu. Je sais pas si tu en fais partie, si vous travaillez ensemble à des moments, si tu as envie de parler de trucs qui existent. J'en fais pas vraiment partie, je crois, mais en tout cas je pense que je pourrais dire un truc effectivement, ouais, depuis quelques années d'avoir des camarades. Queer et militants et militantes qui se sont lancés dans des bacs de recherche, quoi. Et j'ai l'impression que on forme un petit réseau là depuis 2-3 ans, et que à défaut de trouver de la thune, des postes ou quoi que ce soit, juste on se soutient. Et je pense que c'est un truc dont on a fondamentalement besoin dans cette institution qui nous broie, quoi. Et du coup de pouvoir se soutenir les unes les autres, de pouvoir se relire les unes les autres, et créer de la solidarité. Un truc de chercher les failles et les interstices de ce système et essayer de les habiter ensemble. La suite, c'est justement, donc après avoir vraiment cherché à faire l'histoire du mouvement, là je crois que, enfin, comment dire, j'en ai pas fini avec cette histoire, je crois. Elle continue à me passionner, et je me dis, j'ai essayé de reconstituer un puzzle, mais maintenant il y a plein de choses à aller beaucoup plus en profondeur, de faire l'histoire spécifique de tous les groupes dans toutes les villes. Parce que c'est des histoires qui sont propres à chaque ville, qui sont particulières et exceptionnelles en soi, quoi. mais aussi un truc de... J'avais envie de... Après avoir beaucoup fait sur le politique, quoi, d'aller beaucoup plus dans une dimension de l'intime. Et du coup, là, je travaille particulièrement sur les correspondances des groupes de libération homosexuels. Du coup, les lettres que les GLH y reçoivent dans les années 70. Et du coup, c'est des lettres vieilles de 50 ans, bientôt 50 ans. Et souvent des jeunes personnes qui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, qui écrivent aux GLH et qui crient leur solitude et qui ont besoin de rencontres. Et du coup, mon envie, en fait, c'est de continuer cette espèce de décentrement de Paris, quoi. D'être allé dans les villes petites et moyennes et là, peut-être aller encore plus, je sais pas, essayer de dresser un espèce de qu'est-ce que ça serait un portrait de l'homosexualité dans les campagnes françaises dans les années 70. Je trouverais ça... Je sais pas comment faire, mais ça me passionnerait de réussir à trouver des pistes. Oui, donc c'est quand même ce truc où tout le long tu parles des GLH, c'est quand même tout le temps dans des villes. Il y a pas, t'as pas de traces de groupe, de campagne. Non, pas du tout. Ça vraiment pas, ouais. Avec ce bouquin, on se rend compte qu'on ne connaît même pas grand-chose de notre histoire, hormis celle qui est spectaculaire, celle du phare, ou alors celle qui est liée au sida, enfin, et du coup à la mort. Ça donne de l'importance au fait que nous aussi, c'est important qu'on archive, et du coup, de l'importance des archives communautaires. Toi, j'ai l'impression que tu fais partie aussi d'un réseau des archives communautaires. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu et de dire, pour toi, à quel point c'est important qu'on fasse ça? Ouais. Je pourrais commencer par dire mettez l'année sur tous vos tracts, camarades. Le jour et le mois, c'est super, mais si on n'a pas l'année, 50 ans plus tard, c'est un peu plus chiant. C'est vrai. En fait, si des garçons comme Christian et bien d'autres, hein, comme Catherine, comme Michel, enfin, comme plein de gens, s'ils n'avaient pas eu ce réflexe de garder des traces de cette histoire, leurs tracts, leurs journaux, leurs comptes rendus, on n'en saurait rien en fait. Et vraiment, et c'est possible que toutes ces personnes, elles disparaissent et qu'on n'aurait vraiment, sincèrement, jamais eu de traces de cette histoire. Et alors qu'on a tant à en apprendre, quoi. Et du coup, comme... Enfin, vraiment, les archives de l'ordinaire, quoi, ou les archives du quotidien de... Tout fait archive, tout peut faire trace. Et du coup, il y a, je pense, vraiment un enjeu pour... alors, peut-être pour les historiens et les historiennes du futur, mais rien que pour nous-mêmes, en fait, quoi, de garder des traces de nos histoires, parce que notre mémoire flanche quand même assez rapidement. Et des histoires de 5-10 ans, des fois, on se souvient déjà même plus... quelle année vraiment c'était, quel mois vraiment c'était, pourquoi ça s'est vraiment passé comme ça. Du coup, je pense qu'on a, pour pas justement pas, enfin, continuer à réinventer le chaud en permanence, gardons des traces de nos histoires, racontons-nous les ans, quoi. Enfin, un truc de, je pense, ouais, c'est important aussi qu'on se les raconte, qu'on s'enregistre, et peut-être sans but particulier pour l'instant, mais en tout cas, de se dire que c'est là et que, en fait, à nouveau, personne d'autre le fera pour nous. Et du coup, si nous, on le fait pas, nos histoires, elles vont juste tout simplement disparaître. Et alors qu'on a quand même fait plein de choses qui méritent d'être racontées, qui ont bouleversé nos vies. Et voilà. Et après, de fait, ouais, depuis... en fait, en 2017, il y a eu une première rencontre sur les archives à Toulouse, dans un squat qui s'appelle l'Ops, et qui est un peu comme relancer ou lancer une dynamique... qui là a pris vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières années et qui se matérialise dans un réseau qui est le réseau Big Data, qui est le réseau des bibliothèques et des centres d'archives LGBTQI+, communautaires francophones. Du coup, ça compte aussi la Suisse et le Canada, enfin le Québec, et je sais pas pour la Belgique. Mais voilà, en tout cas, c'est plein de groupes, parce qu'en fait, il y a des groupes d'archives qui ont commencé à se constituer dans plein de villes. Donc, il y a Mémoire de sexualité à Marseille qui sont très connus, mais il y a aussi Mémoire minoritaire à Lyon, le collectif de Derrière les fagottes à Toulouse, l'espace QG à Bordeaux. Voilà, il y a dans plein de villes, il y a plein de gens qui ont commencé à faire des bails et à se mettre en réseau. Ouais, il y a eu l'été dernier, enfin en juin dernier, c'était les deuxièmes rencontres du réseau qui vont avoir a priori lieu tous les ans. En tout cas, il y a une espèce comme ça de dynamique collective et communautaire qui prend de la forme, qui prend de la place, et c'est vraiment un truc de fou. Pédale Scandale 89.5 FM à Saint-Étienne. On est dans l'émission Pédale Scandale. On vient de... Désolé, les petits bruits de fin de musique m'ont perturbé. On vient d'écouter une longue interview de Mathias Quéré autour de son livre « Quand nos désirs font désordre » qui parle de l'histoire des mouvements homosexuels dans les années 70 et 80. Et on va se quitter avec un petit agenda. Alors, on va commencer par demain soir, au fond du couloir à gauche. Il y a une soirée soins et psy, avec notamment une discussion autour de la revue Soins Soins, et un petit concert après. Au fond du couloir à gauche, et ben, si vous ne savez pas où c'est, renseignez-vous avec vos potes. Non, c'est un lieu qu'on ne peut pas citer publiquement, voilà. Mais en tout cas, je pense que si vous cherchez un peu, vous pourrez trouver l'info. Du coup, ça c'est demain. Jeudi soir, À 20h au Remue-Méninges, il y a une rencontre avec Lou Etchard, qui est l'autrice de Tupa Madre. C'est un livre qui est sorti aux éditions Terrasse Édition, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans Pédale Scandale. Enfin, pas du livre, mais des éditions. Et elle parle un peu de ses souvenirs de lutte d'enfance, de violence, de fascisme et d'espoir. De quoi on voulait parler d'autre ? Ah oui, samedi, grosse journée de mobilisation contre le racisme systémique et les violences d'État, avec une manif à 14h, départ Place du Peuple. Et ensuite, une table ronde avec des échanges avec plein de collectifs invités à la CAL. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le numéro 0 ou sur le blog Info Prison Saint-Étienne, j'imagine. Dimanche 23, à la tablée, la cantine pour continuer. Cette fois-ci, on a décalé la cantine d'une semaine. Justement, pour pas que ça tombe le même week-end que la manif contre le racisme et les violences d'État. Du coup, cette fois, c'est le 23, à midi, à la tablée, la cantine pour continuer. Du coup, ce mois-ci, ce sera en soutien à Hannes, qui est le frère d'Idir Médérès, qui avait été tué à la prison de Lyon-Corba. Et son frère est incarcéré très loin, là. Vient d'être incarcéré très loin de Lyon. Du coup, c'est en soutien à sa famille et à lui, pour que sa famille puisse aller lui rendre visite au parloir. Qu'est-ce qu'on voulait annoncer d'autre ? La grande bulle tendre, le premier lundi du mois d'avril. Du coup, le mois prochain, ça tombera le 7 avril. Et nous, on se retrouve le lundi suivant, le 14 avril, avec une émission sur la cancel culture et la culture du call-out, une émission sûrement pleine de débats et de discussions, mais aussi de... Enfin, on essaiera de parler de ressources un peu qui nous parlent et que vous pouvez aller lire ou écouter là-dessus. Voilà, et tout ça, ça se passe... Enfin, cette émission, elle sera dans le cadre d'un festival radiophonique de Radio Duo en partenariat avec La Laverie et leur festival Le Droit dans l'œil. Et pour ça, on va vous laisser avec une sorte de jingle bande-annonce du festival radiophonique qui commencera dès le 1er avril sur les ondes du 895 de Radio Duo. Au mois prochain, prenez soin de vous et à bas le fascisme. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Sur Radio Duo, on ne se fourre pas le doigt dans l'œil, on ouvre grand ses oreilles. Tout le mois d'avril, sur Radio Duo 89.5, on vous propose un festival radiophonique sur les questions de justice. En partenariat avec La Laverie pour son festival Le Droit dans l'œil. Pendant tout un mois, on se questionne sur la justice d'État, un des instruments de répression qui ne fait que reproduire les rapports de domination systémique, notamment le racisme et le classisme. Des plateaux en direct du festival, des émissions musicales, des rediffusions d'émissions camarades, des émissions politiques. Toute une partie de la radio s'empare de cette thématique. On parlera de justice transformatrice, de cancel culture, des ex-tribunaux militaires, de justice migratoire et d'abolition des frontières, de violences policières et pénitentiaires, de la répression envers les personnes étrangères et les sans-papiers, et même une émission spéciale autour du groupe Justice. Et sûrement bien plus de choses encore. Alors ouvre bien tes oreilles et écoute Radio Duo 89.5 à Saint-Étienne, ou en streaming sur radiodio.org. Pas de justice, y'a pas de paix. C'est la même turcute, marche à genoux, y'a pas de paix. Tant qu'ils braquent des satellites sur nos frères, y'a pas de paix. Même si un seul gosse meurt de rue, on cherche en repas. Dans les immondices, si y'a pas de justice, y'a pas de paix. C'est la même turcute, marche à genoux, y'a pas de paix. Tant qu'ils braquent des satellites sur nos frères, y'a pas de paix. Même si un seul gosse meurt de rue, on cherche en repas. Dans les immondices, si y'a pas de justice, le meilleur pareil. Programme complet sur le site de Radio Duo. Radiodio.org.